Ok. Ok. Mes parents font un choix, ils sont heureux, faut que je reste fort et fier. Je suis adopté, je me sens tout seul, ma vie ressemble à une forêt vierge. J'ai trop de tristesse, comme une instru blessée d'un coup de guitare. Comme un branleur qui voit sa mère mourir butée à coup de pitard. J'ai fait mon choix, je veux garder ma femme, maintenant je veux vivre en paix. Dans l'amour y'a la guerre, après les bisous, bah faut vite ramper. Sale pute de France, toi et moi, c'est impossible qu'on s'entende. On débarque à 11 ans, bon je m'en fous que tu sois pas consentant. Fais pas avoir dans ce monde de pute, y'a des bâtards qui paraissent braves. Pourquoi tu t'intéresses grave? Aux petites pour faire des caresses crades, Razia Ziclair. Toujours en chien, on voit pas de main qui se tend. Je me sens tout petit dans ce monde, déçu de la vie comme de trois. Je suis pas une tête, alors viens pas me dire qu'à clé qu'on compte des lacunes. Ce que je veux c'est dompter la plume et pouvoir compter de la thune. On comprend pas en calme, je suis l'en duo, moi je reste en bas en panne. Razia Ziclair, un bon duo, car j'perds que du Valentine. Mon choix, une belle famille, ma femme est plus précieuse qu'un beau cristal. M'exprime avec des gros freestyles pour dire que la vie est trop triste. Je suis tout le temps dans les airs, hardcore ça se ressent dans mes airs. C'est la misère ici, je me sens perdu comme dans un grand désert. C'est trop la merde, la vie nous kick, je vois tous mes frères boiter. On n'a pas l'air gâté, sachez que la France demande qu'à se faire doiter. Faut faire des choix, fais des bons, sinon t'en prendras plein la race. Moi j'ai trop fait le con, ce qui fait que le soir je m'en fume. Tout y fait place à la faiblesse. Comme s'il fallait que je fuis la fougue. En gagnant pas compte du combattant, je débat afin de résoudre les problèmes. Misère de cœur, pourtant j'ai des joues là, j'abdique nos enseignes. Si nous consomme, puis chacun sa voix, triste mine. Grotesques sont les mots de tête. Quand est-ce que sort de nos mémoires? Le monde des êtres humains, cercle vicieux. J'visionne à l'état pur que l'air un peu perdu. Yeah. Bien sûr, dans ces broussailles. Yeah. Parfois bonne, mais plus souvent j'ai mauvaise et grise mine. Dans l'oreille, tu comprendras pourquoi quand j'aiguise ma mine. M'amène dogo, j'ai du dégoût face à tous ces dégâts. Mais ça nous est égal, toi-même tu sais négliger. C'est qui tes gars, pas la peine. Plus aucun frère ne répond à l'appel. L'amitié à la peine. Quand les râteaux se ramassent à l'appel. Leurs gars, leurs faits et gestes, tout est méchant. Arrête d'écouter les gens, ils veulent te couper les jambes. Je me souviens de mes premiers pécos, brebé au parcours. Après les princes de la ville, on imitait Bacos Locos. Quelques taf suffisaient pour se taper les barres. Sur dictaphone, c'était du sur mesure, ça rappait des barres. On s'en foutait des skates. Nous, ce qu'on voulait, c'est faire des sketchs, sortir des galettes. Et du reste, on s'en battait les steaks de bonheur. Ta vie finit par basculer. Ce bonheur que tu croyais toucher finit par reculer. Dégoûté quand la réalité te rattrape, tu sors des cours. Les gaffes te roulent de coups et tes frères sont couverts de numéros d'écrou. Maintenant, les mecs rêvent d'une vie macabénique. Comme les vierges se moquent que du voile vont vers la cavénique. Qu'est-ce ton jeu pour Sarkozy face à ces attentats? Taquine la flamme, tu t'as la brûlure à la douleur. Attends toi à réfléchir avant. Car le regret n'arrive qu'après. Entre le bon et le mauvais choix, le juste milieu n'est qu'un trait. La foule fait place à la faiblesse. S'il fallait que je fuis la foule, on gagne pas compte du combattant. Je débat afin de résoudre les problèmes. Misère de cœur, pourtant j'ai des joues là, j'obtiens nos enseignes. Si nous consomme, puis chacun sa voix, triste mine. Grotesques sont les mots de tête. Quand est-ce que sort de nos mémoires? Le monde des êtres humains, cercle vicieux. J'visionne à l'état pur que l'air un peu perdu. Bien sûr, dans ces broussailles. Moi j'suis mal parti, trop de choses perdues, loin d'avoir tout gagné. Mon cœur va mal, mon seul remède, un masque avec du boucanier. Le taf c'est rare. Comme un mec qui s'appelle Stanislas. À force de rôder trop le checker, mon frère, les mecs qui stagnent là. J'suis plus par shit, j'ai déjà eu la folie d'arrêter. Mais l'un va pas sans l'autre, ça c'est plus que de la solidarité. Chez moi la mer est froide, on pète les plombs, on en a marre, on frotte. Moi je veux tuer le racisme, je veux que la France rigole comme on marre et frais. Ça se pète le crâne, à 15h ça commence à se biturer. Et si c'est comme ça toute ma vie, mon frère, et bah je m'habituerai. Depuis qu'on est dans ce move, dis-moi, Rai, qu'est-ce qu'on prend? On a tout à portée de main, en plus de ça, on sait ce qu'on prend, on est des nazes. Ça fait des années qu'on développe nos armes. Ambiance misénakaï, misérakaï sont bizarres. Pour certains, mais pour d'autres, c'est ce qu'on ressent. Attiré par le son, tu peux leur dire, c'est par essence. C'est comme tes disciples, disciples, tu n'as aucune discipline. D'ici peu déçu, tu finiras plus que parfumé d'esplif. MC, je suis le genre de frère près de ses sœurs. Passe le message comme celle de tes prédécesseurs. La folie fait place à la faiblesse. S'il fallait que je fuis la foudre, on gagne pas compte du combattant. Je débat afin de résoudre les problèmes. Misère de cœur, pourtant je déjoue là, j'attire nos enseignes. Si nous consomme, puis chacun sa voix, triste mine. Grotesques sont les mots de tête. Quand est-ce que sort de nos mémoires? Le monde des êtres humains, cercle vicieux. J'visionne à l'état pire que l'air un peu perdu. Bien sûr, dans cette broussaille. Ok, triste enjeu. C'est clair, premier album. Ok, Foodzilla, Razia, Ziclair, ok. Rap de Tox 7-6 représente Massio, Razia, Ziclair, ouais. Triste enjeu, trop dangereux. Foodzilla, Razia et Ziclair, on est là pour fuck les rageux. Triste enjeu, ok. Ok, ouais, ouais. Premier album.